scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, l'émission de Paul Sarrès, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1966, troisième émission. Une année peut se raconter, on peut raconter une année, par bribes, par petites touches, par instantanées d'actualité variées. On peut aussi donner la parole, en quelque sorte, à une seule émission, loin de l'actualité en question, mais qui fait date, parce que c'est cette année, pourquoi pas plus tôt, pourquoi pas plus tard, que se retrouvent des amis qui ont, chacun dans leur rôle, créé ensemble. Un film, en l'occurrence. Un film que l'on voit et revoit toujours. Voici donc un long document INA, une histoire de cinéma, d'amitié, de retrouvailles, de lecture à la table, d'interprétation. Une émission de Michel Polac, Histoire sans images, diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1966. Histoire sans images, une émission de Michel Polac. Aujourd'hui, Boudu sauvé des eaux, avec Jean Renoir et Michel Simon. Aujourd'hui, c'est Jean Renoir qui va nous présenter Boudu sauvé des eaux. Mais cette émission ne sera pas une émission très construite, très traditionnelle. En effet, le grand intérêt, à mes yeux, de cette émission, c'est la rencontre Jean Renoir-Michel Simon. Ils avaient travaillé ensemble pour La Chienne, pour Boudu sauvé des eaux, et il y avait beaucoup de souvenirs communs et beaucoup d'affinités. Mais ils ne s'étaient pas vus depuis nombreuses années. Vous savez que Jean Renoir vit maintenant aux États-Unis, en Californie, où il enseigne le cinéma. Et il ne connaissait pas la fameuse maison de Michel Simon à Noisy-le-Grand. Cette maison où Michel Simon a vécu tant d'années entouré d'oiseaux, de guenons, de chiens, de chats. Sans parler des nids d'hirondelles et des moineaux dans le jardin. C'est une maison merveilleuse avec un jardin d'hiver écroulé où les arbres poussent à travers les vitres. Il y a une espèce de forêt vierge d'arbustes, d'arbres, d'herbes qu'on ne coupe pas. Et à l'intérieur, un musée tout à fait étonnant, un bric-à-brac avec d'authentiques chefs-d'œuvre et d'autres œuvres plus insolites et sur lesquelles il serait plus difficile de s'étendre. Michel Simon a retrouvé Jean Renoir avec une joie extraordinaire et Jean Renoir de même avec une grande émotion. Il aurait fallu une caméra, il aurait fallu un micro qui se promène avec eux dans le jardin pour recueillir tout ce qui a été dit. Nous avons tout de même réussi à enregistrer beaucoup de leurs conversations, si bien que à côté de la lecture de Boudu sauvé des eaux, nous aurons pas mal d'apartés. Nous espérons que vous pourrez les apprécier. N'oublions pas non plus que Michel Simon est un personnage hors série et que son langage n'est pas un langage académique, que les oreilles prudes ne s'effarouchent pas. Nous allons commencer par la lecture de Boudu sauvé des eaux, non pas le scénario lui-même que nous n'avons pu retrouver malgré les soins diligents de la Cinémathèque qui doit posséder le scénario de Boudu sauvé des eaux, mais en nous appuyant sur la pièce de René Fauchois que Jean Renoir avait tout de même suivi assez fidèlement, si l'on accepte la fin. Et Jean Renoir lit le scénario, c'est-à-dire qu'il lit la pièce, il lit tous les personnages, selon le principe de nos lectures à une voix, et Michel Simon reprend le célèbre personnage du clochard Boudu. Jean Renoir et Michel Simon, il y a bien longtemps que nous espérions vous réunir au micro. Et comme Boudu sauvé des eaux est sans doute un des plus merveilleux films qu'on ait jamais fait en France, c'était une occasion de vous demander de vous retrouver à l'occasion de Boudu sauvé des eaux. On a repris le film il n'y a pas longtemps, puisque Jean Renoir, maintenant, il y a une salle qui porte votre nom. Et nous avons eu la chance de revoir Boudu, et je pense d'ailleurs que souvent on reprend Boudu maintenant, car c'est devenu un classique. Je crois que l'histoire de Boudu n'est pas très simple. Je crois qu'au début, Boudu n'a pas marché si bien. Comment est-ce que vous avez fait Boudu tous les deux ? Ah ben moi je peux vous répondre très facilement. Au contraire, l'histoire de Boudu est très simple. J'ignorais tout de Boudu sauvé des eaux, j'ignorais tout de la pièce. Michel Simon aimait énormément la pièce, aimait énormément le dialogue et pensait que ce serait un bon rôle pour lui. Mmh. Alors il m'a demandé de lire la pièce, je l'ai lu et j'ai été tout à fait d'accord avec lui. Nous avons fait un film. Non, l'histoire ne saurait être plus simple. Ah bon. Et vous, Michel Simon, j'ai vu que vous avez joué cette pièce au Mathurin. Elle avait été créée une première fois et puis vous avez repris le rôle au Mathurin, c'est ça ? Oui, c'était très épisodique. Je ne l'ai joué un mois parce que le théâtre était pris pour une autre pièce. Je ne l'ai joué qu'un mois au théâtre du Mathurin pour oui, c'est ça, sauver c'est une situation. Ah bon. Et vous vous êtes pris d'amour pour cette pièce ? Oui. Vous aviez déjà fait un film ensemble. La Chienne. La Chienne. Et c'est à la suite de La Chienne que vous avez décidé de refaire un film. Et on avait envie de continuer à travailler ensemble. Oui, on voulait plus se quitter. Oui, et puis ça, c'était un bon lien. Alors il faut toujours un producteur dans un film. Un jour, j'ai trouvé un monsieur qui m'a dit « Je vais faire un film avec vous, je vous donne de l'argent. Mais je n'y entends rien au cinéma, c'est vous qui le produirez. » Je lui ai dit « Bravo !» Alors j'ai voltigé tout de suite chez Jean, je lui ai apporté la pièce. Voilà. Et puis ça a commencé comme ça, je suis devenu producteur en plus. Voilà. Voilà. Ben, bien sûr. C'est... Voilà notre histoire, c'était merveilleux parce que on était seuls. C'était merveilleux parce qu'on était seuls et qu'on pouvait travailler de la seule façon qui soit bonne, c'est-à-dire sans plan préconçu et sans idée préconçue. Michel, n'est-ce pas, pouvait se transformer en Boudu, et moi je n'avais qu'à suivre toutes les évolutions de ce Boudu, toutes les pensées de ce Boudu, et construire un petit château autour. Et quand on lit la pièce, et c'est ce que nous allons faire un petit peu ensemble, la pièce de René Fauchois qui est un petit peu oubliée, on parle du film, on ne se souvenait pas qu'il y avait une pièce, on s'aperçoit que c'est très Jean Renoir comme esprit tout de même déjà. Je trouve que c'est très Fauchois. C'est très Fauchois, mais oui, mais Fauchois on Fauchois l'a écrit avant que je la connaisse. Oui, ceci dit, les meilleures choses, c'est Jean qui les a ajoutées. Et ce n'était pas du goût de Fauchois, vous vous rappelez, quand on l'a présenté, il est furieux, il est parti en faisant claquer la porte. Mais après ça, il a bien aimé le film. 20 ans après, oui, quand on l'a dit qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre. ça arrive tout le temps. Bien sûr. C'est le sort de beaucoup de films. On les fait, puis les gens vous engueulent, ils ne sont pas contents. Oui. Puis au bout de 20 ans, ils vous disent « Ah, comme je te le disais, c'est beau hein. !» Oui. Et ils vous serrent tendrement dans leurs bras. Et le, voilà. Et le film, ça a été un grand succès à l'époque où, Moi, je me souviens... Un succès de scandale. Un succès de scandale. Ah, oui, ah bon. Moi, je me souviens au Colisée, dans la scène... qui n'est pas dans la pièce, la scène que Michel et moi avons ajoutée, avons improvisée, dans la scène où il se nettoie les chaussures avec un beau couvre-lit en satin, imitation de Chine, il y avait des bonnes femmes dans la salle qui se levaient et criaient « Oh, c'est dégoûtant, oh l'ignoble individu, non, je ne peux pas supporter ça, allons-nous-en !» Elles n'en avaient pas d'ailleurs. Mais c'était un gros succès de scandale, mais ça a marché, ça a marché très bien, peut-être à cause du scandale, c'est possible. Maintenant, ça marche parce que c'est bon. Ah, c'est tragique, tout ça. Quelle aventure. Enfin, bien sûr. Parce qu'on a eu du plaisir à le tourner, on était heureux quand on le tournait. On a eu du plaisir. Après. Mais Michel, le public et la critique. Mais d'accord, mais c'est je crois que toute œuvre d'art... à peu près défendable, à peu près correct, et comme ça, le plaisir, on jouit pendant qu'on le fait. Oui. Après, ça n'a pas d'importance, ça en a beaucoup moins. Ça en a un peu, parce qu'il faut bien essayer de faire d'autres films, alors il vaut mieux que ça rapporte un petit peu d'argent, ça convainc les gens de nous en redonner pour une autre histoire. Oui. Mais sans ça, la vraie jouissance de l'artiste, c'est pendant qu'on fait, qu'on crée. Oui, dans la gestation, c'est dans l'amour que ça se fait. Naturellement. Dans l'amour, si un monsieur qui vous contrôle, c'est fini. C'est fini. On n'était pas... On se contrôlait nous-mêmes. Oui, on se contrôlait nous-mêmes et puis on s'aimait beaucoup. Voilà. Et le tournage, vous l'avez fait dans la gaieté, vous entendiez bien ? Oh oui. Dans la passion. Dans la passion. cette trouvaille de gens qui était merveilleuse, qui fait le plus gros, c'est le plus gros effet du film. Ah bon, lequel? Elle est de vous. Je sais pas. Le texte est de Jean Renoir. Ah bon? Pas de Fauchoix. Ah. C'est peut-être ce qui a mis en colère notre ami Fauchoix. Et vous m'avez suggéré du jeune homme qui s'arrête dans une voiture sport et qui me donne. Et il y en a un qui vient de me donner 5 francs. Il s'arrête, il regarde ce clochard, qui se dirige vers lui et qui lui donne 5 francs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes 5 francs? Pour t'acheter du pain. C'est le plus gros effet du film, et ça commence comme ça, et c'est Jean Renoir. C'est pas de Fauchoix. C'est pas de Fauchoix, mais c'est très dans l'esprit de Fauchoix. Oh. C'est dans l'esprit du personnage qu'il a créé. Oui. Bah, disons-le, Fauchoix a créé un personnage insensé. Oui. Et un personnage qui est un vêtement admirable pour un grand acteur. Et qui est un personnage qu'on ne retrouve pas dans d'autres pièces. Enfin, il n'y a pas de Boudu dans d'autres pièces du théâtre français. C'est vraiment quelque chose d'assez neuf, ça. C'est quelque chose d'assez neuf. Ouais. Oui. Et le personnage même de Lestingois est très sympathique. Enfin, dans la pièce, charmant. Il insiste beaucoup sur ce libraire, sur ses goûts, sur ses clients. Et, et ça, vous l'avez gardé, cette petite librairie, tout à fait. Alors, la pièce commence, au fond, avec... Lestingois et sa femme, et au fond il y a une exposition où Lestingois et Madame Lestingois bavardent. On s'aperçoit qu'elle est très préoccupée par un enterrement auquel elle doit aller. Ouais. Et Lestingois n'a pas du tout envie d'y aller, cet enterrement, et pourtant c'était son meilleur ami. Il n'y est pas allé. Non, il n'y va pas. Ça, c'était une très belle idée de Fauchoix pour montrer combien il méprisait les conventions. C'est ça. Et on sent qu'au fond, Lestingois aimait beaucoup son ami, et que Madame Lestingois, elle y va uniquement pour les... Parce que ça se fait. Parce que ça se fait. Et parce que les voisins diraient, « Oh, elle n'a pas allé à l'enterrement de son mari, c'est une mauvaise femme. Oui. » Et alors après ça, on voit Lestingois avec la petite bonne Anne-Marie, qui a l'air charmante, qui fait aussi très personnage de Renoir. Cette petite bonne, on voit très bien Paulette Dubost pour le jouer. Séverine le joue vraiment bien. C'est Séverine qui le joue dans le moment, c'est ça. Elle est délicieuse, elle est adorable, elle est innocente. Oui. C'est la pureté. Oui. Et alors c'est très drôle parce qu'il y a une sensualité joyeuse dans le personnage de Lestingois et d'Anne-Marie. C'est pas du tout les scènes un peu de boulevard avec la petite bonne qu'on trouve. C'est vraiment espérons-le. Et ça c'est dans le film et c'est dans la pièce. C'est ce qui est sympathique dans la pièce. Il y a des allusions au dieu Pan qui doit vous faire plaisir. Bien sûr, ça me fait plaisir. Non, mais quand on lit la pièce, on s'aperçoit que Fauchoix était certainement un très bon homme, un homme très bon, un homme avec des idées très généreuses, il n'y a aucun doute. Jean Renoir, si ça ne vous ennuyait pas, on pourrait commencer à donner une lecture de Boudu sauvé des eaux. Je crois beaucoup à la lecture, car il ne s'agit pas de vous demander d'être acteur, mais vous êtes tout de même un très grand acteur, car dans la règle du jeu, vous étiez merveilleux. On l'a redécouvert dans la nouvelle version de la règle du jeu, puisqu'on a rétabli toutes les séquences qui avaient été coupées par le distributeur ou... Par moi. Et par vous aussi? Oui, parce que je ne m'aimais pas. Ah bon? Alors voilà, nous allons prendre la pièce au moment où Madame Lestingois revient de ce fameux enterrement. Ah bon? Et après que Anne-Marie nous ait révélé ses charmes. Et comme ça, nous arrivons très vite au suicide de Boudu. Et après, nous pourrons commenter ce passage. Voilà, ça commence à l'arrivée de Madame Lestingois. Que je vous lise. Si ça ne vous ennuie pas. Page là. Oui. Bon, alors Madame Lestingois entre et elle dit bonsoir. Et Lestingois, qui, si je ne me trompe, est en train de lire le journal ou quelque chose comme ça, je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai oublié. Il répond, eh bien, te v'là déjà. Madame Lestingois a des larmes dans la voix, elle est extrêmement émue, et elle dit, je suis arrivée à temps pour l'aspersion. L'aspersion autour du cadavre, dans le cimetière. Oui. Alors, Lestingois dit bravo. Et Madame Lestingois dit, il y avait beaucoup de monde. Lestingois, j'étais son seul habit. Et Madame Lestingois dit, j'ai fait un petit tour de cimetière. Toujours avec des larmes dans la voix. Elle est merveilleuse, d'ailleurs, dans le film, Madame Lestingois. Qu'est-elle devenue? Je l'ai revue une fois ou deux, mais pas souvent. C'était qui est-ce qui jouait le rôle? Enya. Marcel Enya. Marcel Enya. Ah oui. Délicieuse. Adorable. Alors, elle dit qu'elle a fait un petit tour de cimetière. Lestingois dit, excellent apéritif. Madame Lestingois, Anne-Marie est rentrée? Oui. T'as vendu quelque chose? Oui, les châtiments. Combien? Le prix marqué. Elle ne perd pas énorme. Oui. Elle pleure la mine, mais elle s'inquiète du prix de la vente des livres. Tout ça se passe dans cette librairie avec des tas de bouquins autour. C'est un décor qui est facilement... Et alors cette librairie est située sur les quais de la Seine. Située sur les quais, alors nous, oui, et nous l'avons située sur les vrais quais, nous avons pris une vraie librairie. Oui. Alors naturellement, étant donné qu'il y a pas mal de dialogues dans le film, les parties très dialoguées, on les a tournées en studio pour avoir un son meilleur, mais toutes les entrées et sorties, et tout ce qui se voit par les fenêtres du premier étage, parce que nous supposons que l'appartement de l'Estinguet est au premier étage, tout ça s'est pris sur place. Oui. Et c'était au fond, j'ai l'impression que c'était dans l'île Saint-Louis que vous l'avez tourné, non ? C'est en face de la petite passerelle des Arts. Ah voilà, c'est ça. Rive gauche. Alors c'est là où Madame l'Estinguet aperçoit Boudu dans la rue. Oh, regarde donc cet individu, là-bas, qui regarde l'eau. L'Estinguet. C'est un homme qui va s'acheter dans la Seine. Madame l'Estinguet, pourquoi ? L'Estinguet, bah, va lui demander. Madame l'Estinguet, t'es fou ? Je l'ai croisé en tournant la rue des Saint-Pères, il m'a fait peur. L'Estinguet, le fait qu'il a l'air sinistre. Madame l'Estinguet, la police ne devrait pas laisser circuler des figures pareilles, en plein jour. L'Estinguet, tu voudrais que les pauvres n'aient la permission de sortir que la nuit. Madame l'Estinguet, au moins on les verrait pas. L'Estinguet, je suis plus radical que toi, les pauvres on devrait les supprimer. Madame l'Estinguet, oh tu vas peut-être un peu loin, comment ? L'Estinguet, ben supprimons la pauvreté. L'Estinguet, ça, remarquez que ça nous ne l'avons pas dans le film, non. Du tout. Ben je l'ai remplacé, étant donné que dans un film on peut se promener dehors, j'en ai profité pour montrer Michel en clochard, marchant sur les quais. Et je vais vous dire comment j'ai fait ça, j'en suis très fier. J'ai trouvé un objectif avec lequel on va photographier des fauves en Afrique. Vous savez, ça rapproche énormément, c'est très lourd, il faut un bras pour le tenir. Alors, Michel Simon, habillé en clochard, a pu circuler sur les quais sans qu'on le remarque. Les gens ont cru que c'était un vrai clochard, qui allait vraiment se ficher à l'eau. Et avec mon objectif spécial, je le suivais d'une fenêtre sans que personne s'aperçoive que nous faisions une prise de vue. Et c'est là où vous êtes l'ancêtre du cinéma nouveau, du jeune cinéma d'aujourd'hui, c'est que à l'époque, personne ne faisait ce genre de technique et qu'aujourd'hui, tout le monde vous a imité. Enfin, maintenant, oui, mais ils font pas ça avec Michel Simon. Et non. C'est pas ce qui donne une valeur à cette prise de vue, c'est qu'on a cet être poétique. Voilà. Et... Vous comprenez ? Les gens qui font du naturalisme oublient que ça n'a de valeur que si c'est poétique. Alors, un personnage comme Boudu, créé par Michel Simon, c'est un personnage conçu par un poète. Le poète est en lui, n'est-ce pas ? Et alors, il y a quelque chose dans les gestes, dans l'attitude, etc., qui constamment nous dégage des petites saloperies quotidiennes de la vie. Ça devient un personnage extraordinaire, ça devient un personnage de poète. Alors, nous allons bientôt faire sa connaissance. Et je crois que là, nous allons... Nous avons une scène que l'on pourrait peut-être résumer pour arriver tout de suite à Boudu, car nous sommes impatients de faire la connaissance de Boudu. Alors voilà, je vais vous demander... Je peux résumer. On peut résumer, voilà. Et Boudu se jette à l'eau. Oui. Et Michel Simon n'est pas doublé. Il s'est jeté à l'eau lui-même. Ah bon ? Mais comment ? La scène était peut-être moins sale qu'aujourd'hui. Oui, elle n'était pas très propre. Et alors, l'Estinguet le sauve, le met dans une petite barque, on l'amène, tout le quartier est là, tout Paris est là. Parce que, étant donné que des gens qui se jettent à l'eau, c'est très intéressant, nous avions une figuration de milliers de personnes que nous n'avions pas besoin de payer. C'était trop content de regarder cette aventure, heureux, espérant que le gars allait se noyer. De sorte qu'on a un vrai sauvetage et que ces pages-là sont remplacées par le vrai sauvetage. C'est ça. Bon, alors ensuite, on le frictionne sacrément, et puis voilà. Alors là, on pourrait peut-être vous demander de reprendre à partir de là, parce que nous allons faire la connaissance de Boudu. Bon, alors Boudu, Madame l'Estinguet dit, il ouvre les yeux. L'Estinguet, plein de pitié, dit, « Eh bien, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que je suis mort ? Vous êtes vivant, bien vivant. » Ça, c'est un voisin qui dit ça. Un voisin qui est un être ridicule, d'ailleurs, et qui se met constamment en avant. Et Madame l'Estinguet, désignant son mari, dit « Voilà celui à qui vous devez la vie. » L'Estinguet lui dit « Pas ça, il va croire que je suis son père. » Il a l'air de m'en vouloir. Monsieur Godin, c'est pas encore très bien où il en est. Monsieur Godin, c'est un autre voisin. C'est ça. Madame l'Estinguet, vite, Anne-Marie, épongez partout, parce que c'est l'eau dégouline, c'est pas, il est en train de transformer la boutique en un lac. Alors, tout est recommencé. Qu'est-ce qu'il dit ? Dit Madame l'Estinguet. Monsieur Godin, il est peut-être fou. Monsieur Vigour, où allez-vous ? Boudu. Je vais me noyer. il s'est levé et il marche vers la porte avec une espèce de pas chancelant, avec l'idée fixe. Mais alors on voit dans sa tête l'idée fixe qui le réattire vers la scène. Encore, dit Madame Lestingois. Monsieur Godet, il dit, tiens, Lestingois, mais je vous ai tiré de l'eau, malheureux. Vous n'allez pas y retourner. Pourquoi tu m'as tiré de l'eau? Pour vous sauver. C'est pour me sauver que je m'y étais jeté. Oh, vous êtes trop jeune pour faire un suicide. Je suis dégoûté de la vie. Ayez du courage, on va vous secourir. Vous étiez sans personne, sans doute, eh bien, nous allons trouver un moyen de vous venir en aide. N'est-ce pas, messieurs? En nous unissant, en nous cotisant. Naturellement, sur ces entrefaites, tous les voisins foutent le camp. Exactement, bien sûr. Et alors, ils s'en vont tous, et Boudu dit... Je m'en vais aussi. Où voulez-vous aller? Je vais me noyer. Vous n'avez qu'une idée, mais elle est fixe. Sans vous, je serai tranquille, maintenant. Il est vrai. Je sais même pas si je vais avoir le courage de repiquer. Madame Lestingois, se tuer est une lâcheté. C'est vivre qui est courageux. Ah oui. Lestingois, puisque nous avons fait connaissance, je ne veux pas vous abandonner. Vous n'êtes plus seul dans l'existence. Comment vous appelez-vous? Baudu. Comment? Baudu. Eh bien, passez d'abord là derrière, monsieur Boudu. Déshabillez-vous et mettez ses vêtements. Il lui apporte une redingote. Anne-Marie, c'est la gentille petite bonne, Anne-Marie. Va chercher une de mes chemises de nuit dans mon armoire et des chaussettes. Oui, monsieur. Elle est gentille, cette petite-là. C'est votre fille. Je souligne la réplique de Michel Simon pour vous dire qu'il se lève à demi du canapé et avec l'air d'un faune lubrique tend les mains vers les avantages de la petite, qui s'en va horrifiée. Lestingois, non, c'est pas ma fille. Asseyez-vous que je tire votre pantalon. À vos souhaits. Eh bien, mais vous l'enrhumez maintenant. Madame Lestingois, c'est bien votre faute. Oh non, c'est sa faute, lui. Il a raison. J'ai faim. Madame Lestingois, on va vous donner un bon potage bien chaud avec deux œufs pochés. J'aime pas le potage. Lestingois, ah bien. Et les œufs me font mal à l'estomac. Lestingois, qu'est-ce qui vous plairait? Des sardines à l'huile avec une tartine au sein doux. Écoutez, l'air d'envie devant. Oh, il dit ça comme si on lui promettait du caviar et du champagne et je ne sais quoi. vous allez en avoir. Allez, levez-vous que je vous frictionne un peu. Elle voudrait qu'elle s'en aille, la dame. Madame Lestingois, moi? Oui, oui, vous. Vous voulez que je sorte? Et plus vite que ça. Oh! C'est de lui, va, c'est un malheureux. Il est gêné, c'est M. Lestingois qui parle. Il est gêné devant toi. Va lui ouvrir une boîte de sardines. Madame Lestingois, mais je lui tournais le dos. Lestingois, même de dos, pendant qu'il s'habille, tu le gênes. Oui, elle me gêne. Madame Lestingois sortant. Eh ben, Lestingois lui passant son pantalon à un pantalon à Boudu. Passez ce pantalon-là. Oui, il veut pas m'aller. On va bien voir. Mes bretelles. Les vôtres sont un peu usées. Je vais vous en chercher une paire à moi. Non, j'aime mieux les miennes. Et elles sont mouillées. Je les veux comme elles sont. Vous fâchez pas. Tenez. Anne-Marie rentre. Voilà une chemise de nuit. Lestingois, donne Anne-Marie. Elle va être trop grande. Vous attendez pas? Anne-Marie, va lui chercher une de mes cravates. Non. Vous voulez pas de cravate? Qu'est-ce que c'est? Ben, une cravate, c'est une mince étoffe qu'on se met autour du cou. Pourquoi? Oh, pour rien. La cravate, en effet, ne répond à aucune nécessité absolue. Si vous n'en voulez pas... Non. Lestingois, va chercher ma vieille paire de chaussons, Anne-Marie. En attendant, enfile mes savates. Ah, ça sent mauvais ici. Vous trouvez? Oui. Vous voulez que j'ouvre la porte? Non. Passez la redingote. Ah, voilà un déguisement. Je n'oserais jamais me promener avec. Pour quelle raison? Les gosses vont me crier à la chienlit. Relevez un peu votre pantalon. Il ne va pas. Demain, je vous paierai un magnifique complet à la belle jardinière. Un de ma taille. Vous le choisirez. Équerre blanc et noir. S'il vous plaît. C'est vous qui le payerez? Mais oui. Alors, je vais bien. Anne-Marie rentre. Voilà vos vieux chaussons, monsieur Lestingois. Lestingois, merci Anne-Marie, merci. Pourquoi qu'elle vous met vos chaussons? Anne-Marie, parce que ça me fait plaisir. Il ne peut pas se baisser? Anne-Marie lui tire la langue. Oh! L'estingois, quoi? Il m'a tiré la langue. L'estingois, mais c'est une enfant, soyez pas froissé pour si peu. Alors, et cette nuit, moi, il va falloir encore que je couche dehors. Mais non. Madame l'estingois revient avec un plateau chargé d'une boîte de sardines et c'est enfin de quoi manger. Voilà des sardines avec une belle tartine. Ah, c'est pas trop tôt. L'estingois, est-ce agréable? Et sur le pain, c'est pas du sardou. L'estingois, non, c'est du bon beurre frais qui nous arrive directement de Normandie. Madame l'estingois, c'est bien meilleur que du sardou. Non. Madame l'estingois, buvez donc un peu. Et les bains au lait. Madame l'estingois, c'est du vin blanc. Oh. L'estingois, goûtez. Tach. L'estingois, qu'est-ce qui ne va pas? Ça pique. Vous préférez l'eau? Ben, pour sûr. Madame l'estingois, il en a pourtant assez bu tout à l'heure. L'estingois, puisqu'il aime l'eau, va lui chercher un verre. Bien fraîche. Madame l'estingois sortant. Oh, oh. Pourquoi tu fais oh? L'estingois, pour rien, ne vous en occupez pas. C'est un tic. L'estingois, oui. Qu'est-ce que vous vendez dans votre magasin? Ben, des livres, je suis libraire. Oh. Vous savez lire? Bon. Un petit peu? Oui, un petit peu, les grosses lettres. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Ou plutôt, qu'est-ce que la vie faisait de vous? Rien. Vous avez bien travaillé quelque part? Oui. À quoi? Bon, à tout. Ah. Et puis à rien. Est-ce que... Quoi? Vous n'allez pas vous offenser? Vous fâchez de ma question? Je ne sais pas, dites. Est-ce que vous avez été en prison? Pas encore. Ah bien, mais ne désespérez pas d'y aller un jour. Mesdames, grâce à vous. Anne-Marie entrant, voilà un verre d'eau. Oh, merci. Ah, c'est bon. Alors, cette scène-là, je m'excuse d'interrompre, avait été extrêmement raccourcie. Je crois que l'allusion à la prison, tout ça, on l'avait fait sauter. Oui. Étant donné que l'image me permet de rapprocher, on a surtout insisté sur la façon dont Michel Simon mangeait la nourriture qu'on lui apportait, les sardines, le sardou, etc. Vous avez surtout montré ses réactions vis-à-vis de ceux qu'il avait sauvés. On voyait bien, je me souviens, de cette espèce de décalage entre ses sauveteurs et lui qui n'était pas tellement ravi de se retrouver sur la terre. Oui, à mon avis, ce qu'il y a d'épatant dans la scène de Fauchois, et on l'a suivi, on n'a peut-être pas suivi dans les détails, mais on l'a suivi finalement dans l'esprit, c'est que chacun a son idée fixe là-dedans. Lui a son idée fixe, le libraire a son idée fixe, et la bonne femme a son idée fixe. Oui. Ils suivent, ce sont des gens très marqués, et ils suivent vraiment leur destinée aveuglément. Comme tous les caractères intéressants sur la scène ou sur l'écran. Oui. Bon. Il lui a demandé s'il avait été en prison. Oui, mais alors le verre d'eau cassé, nous ne l'avons pas. Alors je pourrais peut-être le sauter. Oui. Oui, pas encore dit où que je vais coucher, moi, cette nuit. Ah, oui. Madame l'estingois, ben, tu vas lui donner 100 sous pour qu'il aille à l'hôtel. L'hôtel, oh non, jamais. Pourquoi? Plus souvent que j'irai à l'hôtel. L'estingois, vous voulez pas aller à l'hôtel? Pourquoi vous m'avez pas laissé me noyer? L'estingois, on lui arrangera un lit sur le divan où je fais ma sieste, dans la salle à manger. Madame l'estingois, oh, mon ami, tu es le maître. C'est ta femme. L'estingois, oui, c'est Madame l'estingois. Madame l'estingois, voilà qu'il te tutoie maintenant. Tu veux bien que je te tutoie? L'estingois, mais oui, ça te fait plaisir. Bah, c'est parce que toi, tu me plais. Madame l'estingois, oh oh. Sorti qu'il n'a pas. Madame l'estingois, Édouard, raisonnablement, qu'est-ce que nous allons faire de cet homme-là? L'estingois, mais ma chère Emma, raisonnablement, j'en sais rien encore. Oh, je vois bien que je vous gêne. L'estingois, mais non. Fais donc pas cette tête-là. Quel âge as-tu d'abord? Je sais pas. Madame l'estingois, c'est pas son âge. Je crois que j'ai 25 ans. Madame l'estingois, il en paraît 40. L'estingois, c'est sa barbe. Une fois coupée, il aura 20 ans de moins. Je vais pas la couper. Elle est si jolie, dit Madame l'estingois. L'estingois, tu la garderas si elle te plaît. On va pas te contrarier pour si peu. Qu'est-ce que c'est que ces papiers-là? Ah oui, c'est des papiers qu'il trouve dans la poche de l'ardingote qu'on lui a mis, qu'on lui a donné. L'estingois, les lui prenant des mains, montre. Ah, ce sont deux billets de loterie, je les avais oubliés. Madame l'estingois, deux billets de loterie? L'estingois, oui, je les ai achetés la dernière fois que j'ai vu l'ardingote, il y a 3 mois, à cette séance de Trocadéro, nous sommes allés avec Ernest. Madame l'estingois, ce pauvre Ernest! Ernest, c'est le gars qu'on a enterré tout à l'heure. Alors l'estingouin pleure pas, il est mort. Il est mort, Ernest. Oui. Ça, il a de la chance. Mais non, idiot. Faut vivre tant qu'on peut, et le plus qu'on peut. Madame l'estingouin, est-ce que le tirage a eu lieu? L'estingouin, quel tirage? Ah oui, pour les billets. Ben, je sais pas, regarde, j'ai pas mon binocle. Madame l'estingouin examine les billets. Le tirage aura lieu le 31 juillet. L'estingouin, nous avons le temps, encore un mois. Mais j'ai jamais rien gagné. Madame l'estingouin, tu prends toujours des billets? L'estingouin, il faut encourager les bonnes œuvres, n'est-ce pas, Boudu? Allons, ris donc, imbécile. Je t'ai tiré de l'eau, fais plus cette tête-là. D'abord ce soir, je veux que tu te saoules. Madame l'estingouin, Edouard. Eh ben, saouler avec nous. L'estingouin, parfaitement. Ça non plus, c'est pas dans le film. C'est pas dans le film. Non. Les promesses de soulographie. C'est pas tout ce qu'on a pu remplacer par de l'action et des gestes, évidemment, nous l'avons fait. Évidemment. Alors donc, au fond, cette histoire de billets de loterie, c'était pour amener la conclusion de la pièce. C'est pour amener la conclusion et de la pièce. Et vous l'avez conservée, cette histoire de loterie. Absolument, bien sûr. Boudu disparaîtra dans le film en méprisant l'argent, la vie bourgeoise et la société. Et alors en retrouvant sa chère solitude sur les bords de la rivière. Alors ça, c'est la conclusion à laquelle nous ne sommes pas encore, car je vais vous imposer encore un long trajet. Nous arrivons dans la pièce, du moins l'acte deuxième, qui se passe toujours, la pièce se passe dans un décor unique, elle se passe dans la librairie de Monsieur l'Estingouin. Et nous avons donc une scène là avec Anne-Marie et Boudu, Anne-Marie la jeune bonne de Monsieur l'Estingouin. Et je vais vous demander, puisque nous sommes dans une convention qui est une lecture, je vais vous demander, Jean Renoir, de nous lire le rôle d'Anne-Marie. Bien volontiers. J'attire l'attention sur un fait, c'est que dans le film, nous avons transposé cette scène dans la cuisine, et non pas dans la librairie. Ce qui est plus logique. Oui. Alors, j'y vais avec Anne-Marie? Oui. Bon, alors Anne-Marie, vous êtes fort, Monsieur Boudu. Elle est en haut d'une échelle. Et oui, elle est en haut d'une échelle, et il range des livres. Elle tient des livres, et Boudu est très grave. Et dans le film, elle ne rangeait pas de livres, alors elle rangeait de la vaisselle. Oui, elle fait la vaisselle, elle travaille dans la cuisine. Ah. Vous êtes fort, Monsieur Boudu. Ah. Oui, vous êtes plus fort que Monsieur l'Estingouin. Ah. C'est moi, vous parlez moins bien. Ah. Je peux encore en mettre? Ben. Oh ben, voilà assez, la pile est déjà trop haute. Si vous faisiez un faux mouvement, tous les livres tomberaient par terre. Je vais descendre de l'échelle et vous aider à les poser sur le comptoir. Oui. Quelle heure est-il, Monsieur Boudu? Oh. Tous les livres dégringolent. Anne-Marie patatras. Vous avez fait un joli coup. Vite, aidez-moi à les ramasser. Si Monsieur l'Estingouin entrait. Oh, regardez les reliures maintenant. Mais c'est votre faute. Pourquoi que vous me demandez l'heure, vous? C'était pour rire. Je pensais pas que vous alliez lâcher les livres pour fouiller votre gousset. Je ris pas, moi. Vrai, vous êtes un peu bête. Ma montre marche pas. Est-ce que vous l'avez remontée? Je la remonte tout le temps. Vous la remontez trop. Quand Monsieur l'Estingouin vous en a fait cadeau, vous avez bien recommandé de la remonter qu'une fois par jour. Il me l'a donné parce qu'elle est détraquée. Vous croyez? Quoi? Il l'avait sur lui quand il s'est jeté à l'eau. Vous oubliez que c'est pour vous sauver. Il aurait dû retirer sa montre avant. Il n'y aura pas pensé. C'est pas un homme bien sérieux, hein? Qui ça? Monsieur l'Estingouin. L'Estingouin. Comment j'ai dit? L'Estingouin. Ben, ça se ressemble. Vous pourriez savoir le nom de votre bienfaiteur. Il a un nom bien long. Et vous ne trouvez pas, Monsieur l'Estingouin, sérieux? D'abord, il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais parlé. Et pourquoi qu'il m'a sauvé? Je cherche, moi. J'ai peut-être besoin d'un domestique. Je voudrais comprendre. Est-ce que c'est pour que je lui dise merci? Il serait rudement volé dans ce cas-là. Je n'ai jamais dit merci à personne, moi. Je m'en doutais. Ah? Oui. Vous avez deviné, c'est... Toute seule? Ah oui. Vous mangez bien ici? Bon, je mange bien. Vous y dormez aussi? Oui, j'y dors aussi. Et votre joli costume à carreaux vous va bien? Oui, il me va bien. Eh bien, si vous êtes habillé proprement, si vous mangez à votre faim, si vous dormez à l'abri, à qui le devez-vous? Au bon Dieu. Et si M. l'Estingouin n'avait pas risqué sa vie pour vous, il y a un mois, où seriez-vous? Je serais au ciel. Les gens qui se tuent ne vont pas au ciel. Vous ne connaissez pas la religion et vous êtes un ingrat. Moi, je suis un ingrat. Et un imbécile partout le marché, c'est moi qui vous le dis. Je suis pas forcé de vous croire. Ni de me dire merci. Prenez le plumeau et poussez les livres. Allez, doucement, vous tapez dessus. Je vous les caresser. Oui. Comme ça. Il lui est poussé de le visage. Anne-Marie, oh, dégoûtant, dans la figure. Ce plumeau qui est plein de poussière. Voulez-vous que je vous embrasse? Moi? Vous? Oui, vous. Moi. Vous perdez pas la tête? Non. Est-ce que vous sauriez seulement? J'en sais rien. Ce sera la première fois que vous embrasseriez quelqu'un? Oh non. Autrefois, pendant quelque temps, j'avais eu un chien. Un chien? Oui. Il m'embrassait, lui. Il vous léchait? Ouais, ben il me léchait, j'aimais ça. Et vous, vous l'embrassiez? Oui. Et ça vous faisait plaisir? Oui. Voulez-vous m'embrasser, vous? Et qu'est-ce qu'il est devenu, votre chien? Ben, je sais pas, il est parti. Vous deviez mal l'embrasser. Oh non, je l'embrassais bien. J'aime pas les hommes qui ont de la barbe. Voulez-vous que je la coupe? Oui, coupez-la, après nous verrons. Vous m'embrasserez après? Je sais pas, je verrai, si vous me plaisez. Est-ce que je vous plais? Oh ben vous êtes fou, c'est le coiffeur qui peut vous couper la barbe. Boudu s'est donné un grand coup de ciseau dans la barbe. De là cette réflexion d'Anne-Marie. Pourquoi? C'est le coiffeur. Vous êtes encore plus laid qu'avant. Quand même, maintenant, je veux que vous m'embrassiez. Je me moque de votre volonté, ne me touchez pas. Ah, au secours! Alors là, l'Estingois, oui. Ah, l'Estingois rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est elle. L'Estingois, c'est elle qui se sauvait que tu poursuivais, pourquoi? Je voulais l'embrasser. Et Anne-Marie, et moi, je voulais pas qu'il m'embrasse. L'Estingois, ah ben, mais qu'est-ce que tu as? Tu portes la barbe en biais, maintenant? Mais elle m'avait dit qu'elle m'embrasserait si je la couperais. Anne-Marie, jamais. L'Estingois, tu ne lui as pas fait cette promesse? Anne-Marie, non, je le jure. Oui, je le jure. L'Estingois, je renonce à me faire une opinion sur cet incident. Anne-Marie, vous me croyez, n'est-ce pas? L'Estingois, tu y tiens? Anne-Marie, oui, monsieur l'Estingois. L'Estingois, Boudu qui crache à ses pieds. Boudu, je t'en supplie, mon ami. J'ai encore craché par terre. L'Estingois, et rien ne m'est plus agréable, tu le sais. T'as un mouchoir, n'est-ce pas? Oui, j'en ai un. Certain, nom de Dieu, certain. Ben, je crois que c'était pour me moucher seulement. Non, pas seulement, c'est aussi pour cracher. Et après? Après quoi? Après qu'on a craché dans le mouchoir, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on le remet dans sa poche. Oh, ben c'est sale. Moins que de cracher sur le plancher. Enfin, il faut le faire, ou je me fâcherai, Boudu. Ben, te fâche pas, ben, je cracherai où tu veux. Dans ton mouchoir. Oh. Anne-Marie, monsieur Boudu, passez-moi les livres que nous venons d'épousseter. Voilà. L'Estingois, quand ces livres seront rangés, tu iras chez le coiffeur, Boudu, pour qu'il t'arrange la barbe. Oh. Anne-Marie sursautant. Oh! L'Estingois, qu'est-ce qu'il y a encore? Anne-Marie, il me chatouille. Ouais? Oui, vous. Boudu. Quoi? Faudra changer de conduite, mon ami. Oh. Oui, faudra changer de conduite. Alors, on entend Boudu tousser, puis très vite, il ouvre un livre sur le comptoir et crache dedans et le referme. L'Estingois, elle vend la tête. Où as-tu craché? J'ai pas craché. Tu viens de cracher par terre? Non. Ah? J'ai pas craché. Il m'avait semblé. J'ai pas craché. Et Anne-Marie, oh! L'Estingois, il chatouille? Anne-Marie, non, il m'a pincé maintenant. C'est pas vrai. L'Estingois, pourquoi ne grimpes-tu pas à l'échelle et ne lui passes-tu pas les livres? Anne-Marie, il les range tout de travers et la tête en bas. L'Estingois, tiens, Boudu, voilà 40 sous. Va, dans la rue des Saint-Pères, la troisième ou la quatrième Boudu à gauche, c'est un coiffeur. Tu lui diras de te tailler la barbe convenablement. Bien. Tu sauras lui expliquer ça? Oh, oui. Allez, va, mon ami. Bon, alors ça, je crois que nous pouvons résumer les scènes qui suivent, puisqu'il s'agit d'une scène entre Anne-Marie et l'Estingois. Et malgré toutes les prouesses que nous faisons là pour l'auditeur, puisque c'est Jean Renoir qui a joué le rôle d'Anne-Marie, c'est que... Alors ensuite, il y a une longue scène entre l'Estingois et Anne-Marie, où nous découvrons que l'Estingois ne peut pas avoir de mœurs étranges, car il dit des choses très précises à cette charmante Anne-Marie. Et il lui dit qu'il commence un petit peu à en avoir assez de Boudu. Et puis Madame l'Estingois lui dit la même chose à l'Estingois. Et c'est comme ça que l'Estingois découvre que, tout à l'heure, Boudu a craché dans un livre, et on ne savait pas quel livre, il a craché dans un livre de grande valeur, puisque c'est dans la physiologie du mariage d'Honoré de Balzac. Rien de moins. Alors, nous avons à ce moment-là une scène entre Boudu et Madame l'Estingois que peut-être, si ça ne vous ennuie pas, on pourrait vous demander de lire. C'est une scène qui est page 312. Oui, je vais la lire volontiers. Vous serez cette fois-ci Madame l'Estingois. Oui, mais vous savez, je regrette que ce ne soit pas Aignan qui fasse ça. Parce que c'est une scène presque émouvante. Enfin, on sent que c'est chez cette femme, je ne sais pas moi, l'éveil d'une certaine sensualité. Mmh. Et ben, je ne saurais pas faire ça. Alors donc, Madame Lestingois, au lieu de mettre à la porte Boudu, tombe visiblement très amoureuse de lui, et donc n'a pas du tout l'intention de le mettre à la porte. Et Monsieur Lestingois, lui, commence à se rendre compte que Boudu a des intentions sur Anne-Marie, et donc il est jaloux, Lestingois, et il a très envie, à son tour, de mettre Boudu à la porte. Ce qui crée évidemment des quiproquos qui sont là très dans la tradition du boulevard. À ce moment-là, nous avons vraiment des quiproquos, puisque Lestingois ne sait pas ce qui se passe entre Madame Lestingois et Boudu, et Madame Lestingois ne sait pas ce qui se passe entre Monsieur Lestingois et Anne-Marie, situation assez classique. Oui, d'ailleurs, nous l'avons traité très dans la tradition du boulevard, dans le film aussi. Vous avez gardé ce chassé-croisé. Absolument, je l'ai même augmenté. D'accord avec Michel, on a décidé au début de nous payer le luxe d'un petit appartement avec des tas de portes, d'escaliers, de recoins, de cuisine, d'allées, de venues, ce qui nous permettait vraiment de jouer avec les portes, les couloirs, les passages. Alors ensuite, puisque vous avez tellement bien donné cette scène entre Boudu et Anne-Marie, je vais vous redemander, Jean Renoir, si ça ne vous ennuie pas, de nous redonner maintenant la scène du troisième acte. C'est-à-dire que là, nous allons voir se nouer des relations fort peu équivoques entre Boudu et Anne-Marie. Je pense qu'on pourrait faire la tentative de la lecture de cette scène, si vous voulez. Bon, essayons. Essayons. Alors, c'est l'acte troisième. Vous ne voulez pas que je prenne une toute petite voix? Ah non. Bon. Écoutez, en l'honneur d'Anne-Marie, je demande pardon, mais je vais essuyer mes lunettes. Oui. Je vais en profiter. Je ne voyais plus rien. C'est ma tournée. Oh, on se marrait bien, tournée. Ah oui. On n'a jamais pris ça au sérieux. Non. Jamais. On prenait au sérieux ce qui était sérieux. Oui, il n'y en avait qu'un qui prenait ça au sérieux, c'était le... Comment s'appelait le producteur du Méridional? De Rouvre? Non, j'ai oublié son nom. Il y avait mieux que ça. Ah, mon Dieu. Richebey. Ah oui. Si c'était son argent, il prenait au sérieux, peut-être. Mais il se prenait au sérieux lui-même, pour commencer. Oui. Il m'a fait venir dans son bureau. Il dit, Monsieur Michel, vous faites un film commercial. C'est Jeanne de la Lune. Et artistique aussi, il faut le dire, artistique. Et puis alors, je vous engage et vous me mettez les lunettes. Et je retrouve plus clos-clos. C'est pas croyable. Ça fait 8 jours qu'on tournait. Je lui ai dit, mais c'est une aimable bouffonnerie, Jeanne de la Lune, mais... La chaîne, c'est un drame. Un drame sombre. J'ai dit, vous n'avez pas lu le drame. Et avec tout ce que j'ai à faire. C'est pas croyable. Oui, bien sûr. Pendant le montage, il m'a foutu à la porte. Heureusement, et il a fait faire un montage par Feillot, ce metteur en scène en gros, ne parlant pas français. Alors, j'ai été trouvé monteux. Le fabricant de chaussures, oui. Les chaussures Raoul, oui, oui. Qui donnait le fric au studio de Billancourt. C'est lui qui alimentait le studio de Billancourt en argent. Et j'ai expliqué ça à Montu, qui était furieux, qui a engueulé Richebey, j'ai retrouvé ma salle de montage. Mais il n'y aurait pas eu un... C'est pour ça que, moi, je crois que la seule façon de faire marcher la société moderne, c'est d'avoir des gens immensément riches. Oui. Ils sont un peu moins cons. Oui, bien sûr. La défense de leur argent est tellement difficile que ça leur éveille l'esprit. Oui, c'est vrai. Jean de la Lune, je l'ai fait avec M. Boson Verduras, qui était fabricant des pâtes de la Lune. Pâtes la Lune. Il s'est dit, ça va me faire de la publicité. C'est pas mal, ça. Sinon, c'est pas croyable. C'est bien. Ben oui. Faut ça. Vous ne devrez fréquenter que des gens qui sont dans l'alimentation, dans la chaussure. Oui, oui, bien sûr. À l'exclusion de tous autres. Ah, il faudra peut-être laisser une légère place à la vidange. Moi, je suis en rapport chaque année avec des vidangeurs qui sont des gens extraordinaires. Ils viennent me vider ma piscine, là, avec la pompe à merde. Comme ça, c'est fait en 2 heures, c'est sensationnel. Ils ils sont bien, ils sont plaisants, ils travaillent. Les gens plaisants, j'ai remarqué, ce sont les vidangeurs ou les fossoyeurs. Parce que ça marche tout le temps. Les gens n'arrêtent pas de chier ou de mourir. Oui, oui. Alors, il y a de la manœuvre, il n'y a pas de... Il n'y a pas cette compétition, il n'y a pas de chômage. Ils n'ont pas d'inquiétude. Il n'y a pas de chômage. C'est... Les gens ont beau être constipés, ça fait un jour de retard ou deux, mais on rattrape un jour, un jour, ça revient. Oui. Ça revient. Ah, Anne-Marie. Alors voilà, c'est Boudu qui commence. Boudu qui fait la cour à Anne-Marie. Et on est toujours dans la ligne. Anne-Marie, mais il me vient une idée. Pas possible. C'est une supposition que monsieur et madame Lestingouin, ils soient morts. Oh. Ah ben laisse-moi finir, quoi. Quelle supposition vous fait pas de peine? Ben, puisque c'est une supposition. Oh, quand même. Donc, une supposition qu'ils soient morts, tous les deux. On pourrait les remplacer, nous. Nous deux? Ouais. Vous seriez libraire à la place de M. Lestingouin? Et vous seriez ma femme à la place de Mme Lestingouin? Vous ne savez pas ce que vous dites. Pourquoi? Parce que pour être libraire comme M. Lestingouin, il faut être instruit, il faut être savant. Et vous ne lisez qu'en annonnant, comme un enfant qui va encore à l'école. Mais vous seriez bien m'apprendre, vous, à lire comme il faut. Et c'est pas le tout que de savoir lire. Faut aussi savoir acheter à la salle des ventes et chez les particuliers. Distinguer les éditions rares et les bons auteurs, ceux qui ne valent rien. Monsieur Lestingouin, lui, il met son binocle, il ouvre un livre, il le feuillette 2 minutes et il vous dit « ça, c'est bien » ou « ça, c'est bon pour le pilon ». Tenez, vous, combien vendriez-vous ce livre-là? Sans regarder le prix que Monsieur Lestingouin a mis sur la page de garde, bien entendu. Oh, ce livre, tout dépenaillé. Ben, il ne doit pas coûter gros. Allez, dites un prix. Ben, mettons 6 sous. 6 sous 10 sous. Non, eh ben non, 3 francs. Ah, vous n'êtes pas bien fixé. Si, 3 francs. Et celui-là qui a une si belle reliure? Oh, celui-là, 20 francs. Au moins 20 francs, il y a de l'or sur les côtés. Eh ben, vous n'y connaissez goutte. Ce vilain petit-là, il vaut 100 francs, et celui-là d'or et sur tranche qui vous éblouit, il vaut 2 francs. Non. Mais si. Tenez, voilà les prix. Oh, ça... Vous n'en revenez pas. Les livres, Monsieur Boudu, c'est comme les personnes. On ne doit pas les juger sur la mine. Eh bien, si on remplaçait les Lestingouin, c'est vous qui achèteriez et qui mettriez les prix. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Je vous aimerais. Vous ne seriez pas plus que le reste. Aussi, je serais très bien vous aimer. J'en doute. Voulez-vous essayer? Quand je serai fatigué d'être sage, je penserai à vous si vous êtes tout seul. Est-ce que c'est gentil ce que vous me dites là? À votre idée. Mais j'en sais rien. Du moment que vous me parlez, je suis content. Il vous en faut peu. Si on se mariait, dites donc. La semaine des 4 jeudis. Mais si vous voulez. Cette semaine-là, j'accepte. Non. Mais si. Oh. Qu'est-ce qui vous prend? Que je suis tout ému. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ben, vous le dites. Et je le pense. Je voudrais bien vous faire un cadeau. Vous me faites peur. Mais. Qu'est-ce que c'est? Mon billet de loterie. Le billet que M. Lestingouin m'a donné le jour qu'il m'a repêché. Qui était dans une poche du grand vêtement trop grand, vous savez. Un joli cadeau. Ben, ça vaut 100 000 francs, comme M. Lestingouin m'a dit. Si le numéro marqué sera la loterie. Quel numéro? Ben, vous voyez bien, là, 22-468. Eh ben, je vous le donne. Merci, j'en veux pas. Pourquoi? M. Lestingouin vous l'a donné, gardez-le. Mais ce qui est à moi est à vous, puisqu'on se marie. Attendons ce beau jour. Est-ce qu'il sera long à venir? J'espère bien. Oh, vous moquez de moi. Vous avez fini par vous en rendre compte? Eh bien, vous êtes une mauvaise fille. Vraiment? Je me donne tant de mal pour vous plaire. Il est vrai que maintenant, vous êtes propre. Ah? Je l'avoue. Tous les bons exemples que vous voyez ici, vous en changez à votre avantage. Je me mouche plus avec mes doigts. Je m'en suis déjà aperçu. Je crache plus par terre. Ni même dans les livres. Comment faites-vous? Ah, c'est dur parfois. Vous cirez vos chaussures chaque matin. Vous n'employez plus pour ça les rideaux de la salle à manger. J'ai appris à me peigner. Maintenant, je sais manger dans les assiettes. Tout ça n'est pas rien, j'en conviens, mais... Mais si vous ne voulez pas devenir ma petite femme chérie... Pas encore. Elle sort. Alors là, il y a un camelot qui vient et Boudu l'appelle pour lui acheter les résultats de la loterie. Oui. Non, je voulais seulement vous signaler que cette scène que nous venons de lire a été extrêmement simplifiée à l'écran. Oui. Le dialogue, il en reste à peu près le quart. Oui. Mais toujours la même chose, nous avons fait la scène un peu plus en mouvement qu'elle n'est ici. Oui, c'est ça. Il y a une poursuite un petit peu, non, il me semble, non Il y a surtout des gestes, il y a surtout des... C'est une scène très curieuse. Michel et la petite Séverine l'ont joué presque en la mimant. Mais c'était pas improvisé, vous aviez appris tous votre texte, enfin bien sûr, c'était pas. Ah ben, il y avait pas de part d'improvisation. On est bien obligé de savoir le texte, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas eu un peu d'improvisation. Ah, je suis sûr que Michel, toujours au dernier moment, trouvait quelque chose à ajouter à son rôle. Alors, appelez ça comme vous le voudrez, de l'improvisation si vous le voulez. Remarquez, c'est pas exactement de l'improvisation. C'est de l'invention. C'est de l'invention. La petite Séverine avait évidemment pour elle une énorme fraîcheur, mais cette fraîcheur en face de Michel Simon, ça donnait une espèce de résultat. Ça a des résultats qui étaient toujours inattendus. Je sais que lorsque je tourne un CSL avec eux, j'étais toujours surpris. Michel Simon, peut-être pourrait-on vous demander là de lire cette petite scène où Boudu se révèle derrière son air naïf, fort malin. Car il est resté avec le résultat de la loterie que lui a donné le camelot. D'ailleurs, cette scène n'est pas non plus dans le film. Elle n'est pas dans le film non plus. Toute cette fin, nous l'avons simplifiée puisque nous avons ajouté une fin extrêmement différente qui se passe au bord de la Marne, enfin pas loin d'ici d'ailleurs. Oui. Mais écoutez, alors là, peut-être pourriez-vous nous résumer la fin. Parce que là, dans la pièce... en dehors de ces petites scènes, oh, ça vous ennuie ? Peut-être qu'on peut la donner. Vous savez, ça fait 40 ans que je n'ai pas joué. Je ne me souviens pas du tout, parce qu'elle n'existait pas dans le film. Bon, ben alors on la supprime. Ouais, donc il n'y a pas cette scène où Boudu, en réalité, s'aperçoit que le billet qu'il a n'est pas le billet gagnant et que c'est M. Lesnavois qui a le billet gagnant. Alors il fait l'échange de billets froidement. Dans pas du film, tout. Dans le film, ça n'existe pas. Dans le film, il a un billet qui gagne. Et, bien, voilà. Et étant donné qu'il a de l'argent, qu'il est maintenant un monsieur honorable, bourgeois, il va se conformer aux usages et épouser Anne-Marie. C'est ça. Il va épouser Anne-Marie. Et ceci, ce que nous avons insisté dans le film sur une surprise. Anne-Marie, dans les bras de Monsieur Lestingois, et Madame Lestingois dans les bras de Boudu, se surprennent réciproquement par une porte qui s'ouvre d'une façon un peu mécanique, mais enfin forte à propos. Alors, pour réparer, ben c'est extrêmement simple, puisque Boudu est riche, il va épouser Anne-Marie. Alors, on a une grande noce au bord de la Marne, avec de la musique, avec la nature, et Boudu, alors là, n'est-ce pas, nous ne savons pas, et nous ne saurons jamais s'il le fait exprès ou non, il cueille un nénuphar, et en cueillant ce nénuphar, il fait chavirer la barque dans laquelle la noce est allée se promener, et tout le monde regagne la rive à la nage, et Boudu se laisse glisser au fil de l'eau, et reprend son existence de clochard. Et ça, vous l'avez décidé. En abandonnant le billet, l'argent, la femme et tout, ils s'en fichent. Et ça, c'est vraiment, c'est une image que personne ne peut oublier quand on l'a vue, ça. Boudu, au fil de l'eau, cette espèce d'Ophélie barbue et chevelue, qui est aussi poétique qu'Ophélie, en fin de compte. Symboliquement, il a ses vêtements de noces, c'est-à-dire un joli costume noir, un joli chapeau melon. Alors symboliquement, il change de costume avec le costume que porte un épouvantail à Moineau. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on lit Boudu sauvé des eaux, et il y a eu deux versions de Boudu de René Fauchois. Il y a une version que j'ai là, qui est apparue aux éditions du Dauphin en 1932, qu'est Voltaire, qui est une version en quatre actes. Je ne sais pas si vous l'avez lu celle-là. C'est une version, je ne sais pas si c'est celle que vous avez jouée, Michel Simon, mais elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a une très belle scène. Et je ne sais pas si vous étiez gentil, je vous demanderai de la lire tous les deux, parce qu'il y a une scène entre Boudu et Lestingois qui est admirable. Je ne sais pas si c'est celle que vous avez jouée. Où il y a Boudu qui avoue à Lestingois comment ça se passe avec Anne-Marie, qu'il a essayé de la nuit, ça ne se passe pas très bien, qu'au fond, elle est toujours amoureuse de Lestingois. Vous n'avez pas joué ça ? Eh bien oui, ça a dû être supprimé. Mais vraiment une très très belle scène. Et puis alors ensuite, ça se complique terriblement parce que dans ce quatrième acte, on apprend que Anne-Marie est enceinte de Boudu et que Madame Lestingois l'est aussi. Ah bon ? Nous n'avons rien de ça dans le film. Dans le film, étant donné que nous étions un peu arrivés à une impasse, tout ce que l'on pouvait tirer de cette situation de quatre personnages enfermés dans un petit appartement, dans une librairie, dans un magasin de livres, je crois que tout ce qu'on pouvait faire, nous l'avions fait. Oui. Nous avions vraiment tiré tout ce qu'on peut de cette situation. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de nous orienter sur un élément nouveau, qui est la confrontation de tout ce monde-là avec la nature. C'est ça. Cette nature, naturellement, est une nature de banlieue. Nous ne sommes pas chez les Iroquois, nous sommes chez un bon libraire de Paris, et ça se passe tout simplement ici, à côté, au bord de la Marne. Mais les arbres, l'eau et l'environnement, et cette espèce de facile poésie de la banlieue, les ponts de chemin de fer, les tas d'ordures, et tout ça finit par devenir l'élément le plus important de la fin du film. Et Boudu se noie là-dedans, se fond là-dedans, s'assimile. C'est en somme le retour à son véritable milieu. Et au fond, cette introduction de la nature, Jean Renoir, elle est dans presque tous vos films. Et c'est vraiment une suite de sentiments de la nature qui reviennent comme ça. Hein, peut-être, mais en tout cas, ici, je crois que ça s'imposait, parce qu'il y a entre le personnage de Michel Simon dans Boudu et le dieu Pan, une grande parenté. Ce sont des cousins germains, n'est-ce pas? Boudu, c'est un personnage de la mythologie grecque, et un personnage de la mythologie grecque, on ne le voit pas enfermé dans une petite boutique des quais. Fallait le sortir, fallait le mettre sous les arbres, fallait le mettre avec de la vraie eau, une vraie rivière et des vrais arbres. Et au fond, Boudu est une pièce qui date de 1919, donc pour ne pas choquer la morale du théâtre de boulevard de l'époque, René Fauchois a fait une fin qui ne correspond pas au personnage de Boudu. Cette espèce de mariage forcé correspond pas, et au fond, vous avez fait de Boudu un mythe beaucoup plus grand en faisant que le dieu Pan vient semer le trouble dans la famille fort charmante de M. Lestingois et repart dans la nature, dans la mythologie. Oui, et un billet de loterie gagnant et beaucoup d'argent, c'est pas suffisant séduire le dieu Pan, pour lui faire oublier ses fonctions. Oui, ça c'est une idée d'Américain, d'imaginer qu'un billet de loterie peut faire descendre les dieux sur la terre et les y faire rester. En tout cas, notre Boudu n'y reste pas. Notre Boudu retourne dans son élément. Alors ça nous... Avec les chiens, les chèvres, n'est-ce pas, à la fin on a mis une chèvre à côté de lui, parce que avoir un animal qui est là et avec lequel il s'entend parfaitement, c'est extrêmement important, à mon avis. Il fallait un animal pour terminer ce film. Histoire sans image. C'était une émission de Michel Polak. Aujourd'hui, Boudu sauvé des eaux, avec Jean Renoir et Michel Simon. Assistante de réalisation, Annie Cœur-Devet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1966. And he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" C'était les années 60, aujourd'hui 1966, troisième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Un site à consulter, un site pour qui veut prolonger le plaisir de l'immersion dans les archives, le site ina.fr. Mixage Claire Levasseur, réalisation Annie Douelle, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger ainsi que les précédentes sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.